de partout. On dirait un gruyère avec des pleins de trous. Déjà qu'on pollue l'air avec plein de saloperies. Un trou dans l'atmosphère qui joue avec nos vies. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce monde de fous? Tout va bien trop vite, je comprends rien du tout. Disait le grand-père assis sur un gros caillou. Les bras grands ouverts au soleil du mois d'août. Misère tout autour de nous. Des hommes qui galèrent, des femmes qui pleurent à genoux. Et pendant ce temps-là, d'autres s'inquiètent que c'est fou. Pour la soirée gala, lequel le maître comme bijou. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce monde de fous? Tout va bien trop vite, je comprends rien du tout. Disait le grand-père assis sur un gros caillou. Les bras grands ouverts au soleil du mois d'août. Quel avenir après tout, on va leur donner à ces pauvres petits choux. Déjà que leurs parents ne s'entendent plus du tout, et qu'ils ont bien du mal à joindre les deux bouts. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce monde de fous? Tout va bien trop vite, je comprends rien du tout. Disait le grand-père assis sur un gros caillou. Les bras grands ouverts au soleil du mois d'août. Avant chaque élection, on ne sera pas déçu. Mais comme à l'habitude, rien ne change là-dessus. Et encore une fois, on l'a toujours dans le... Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce monde de fous? Tout va bien trop vite, je comprends rien du tout. Disait le grand-père assis sur un gros caillou. Les bras grands ouverts au soleil du mois d'août. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde de fous? Tout va bien trop vite et je comprends rien du tout. Disait le grand-père assis sur un gros caillou. Les bras grands ouverts au soleil du mois d'août. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce monde de fous? Tout va bien trop vite et je comprends rien du tout. Disait le grand-père assis sur un gros caillou. Les bras grands ouverts au soleil du mois d'août.